sommes dans l'ancrage et on va vous proposer un voyage autour des émotions nomades. Pour ceux qui sont impatients, il y aura un compte à rebours, comme ça vous saurez quand ça se termine. Je m'appelle Akem, voici Estelle Avando. Et on a une guest star cachée quelque part, on vous la présentera tout à l'heure. Elle a des calques, elle a des trempes, elle a renverse. Je trace mes humeurs, je me déverse en arc de couleurs sur le bitume. I'm walking on concrete. S'envole l'enclume. Poser des rires par palette. Pour le passant, ouvrir une fenêtre. Sentir vibrer la ville. Jouer à la petite poussette. Ancrer en sillons éphémérides mes trajectoires sensibles, mes états d'être. Bienvenue. Laurence Roy, à la danse. La compte à rebours. Peindre, écrire. Peindre, écrire. Avec du café, de la terre, du sable, du ciment, peindre, écrire. J'ai pris le temps de couper le fil. D'aimer outre-océan, de semer la quenne, fruit indéhissant à l'unique graine. Mais ce faisant, j'ai perdu le sens. J'ai vu pourrir nos sentiments. Piégé dans un rôle, j'ai piétiné mon cerf-volant, me suis enterré de silence. Silence. Silence. Ne plus peindre. Ne plus écrire. Silence. Dans le trou, retrouver souffle, forer le tunnel de secours, m'arracher, lâcher la bride, lâcher la haine, reprendre mes billes, denteler ma peine, tenir pour ma fille et pour moi-même, peindre, écrire. In memoriam pour mon oncle. Endurer tourment, se relever, vivre, briser sa laisse, aimer et n'en regretter ni la morsure, ni la caresse. Jouir. En chaque instant, naître. Sans repentir. Assumer la tendresse, le bleu du ciel comme les nuits sales, tous ces pavés battus et l'espérance calme de s'ancrer, cœur et âme. Puisque de nous, c'est cela qui reste. Au-delà la mort, ce que nous sommes. L'amour à l'os, flesh and bones. Féroces et tendres, nos douceurs d'alcôve. Savoure la lenteur en toi et la fragilité qui s'y love. La lumière reviendra, étreinte à nuit, chéris-la, tel un flocon sur ta langue. Issue de l'aube, éclectique, vague, blanc, électrique, les nuages roulent, smooth and sweet. Allô, décibels, comparse va piano nos corps qui rielent, mode play, s'arc-bout. Joue leads and lay, sas céleste. Ritournelle, que mes pas, clé de voûte ou clé de sol, du bout du cœur, tâtonne. Dans ma nuit, fuse ton rire, la lumière des étoiles, de fulgurance amie. Mendiant sur le toit, un supplément d'être, une armistice, une feinte, une mystique nonchalance ou juste peut-être un petit peu de fraîcheur. Mon stylo balance du trait aux lettres. S'étendre là, rêver les yeux ouverts, les paumes glissant sur le papier, se laisser porter. Tombouctou low cost, confins apaisants, valse ridim, évasion cheap. Tout en plus simple. Soudain, faire taire les chiens. Me couler en arabesque, mots, dessins. Je dors les sabots du Minotaure. Je frise les boucles de la Gorgone et je fuck Mickey, j'embrasse mon petit poney. Bref, je plane au crayon. Je suis stone. Et c'est bon. J'ulule chevêchette. Enfin, je suis quiète. Faire la peau à la fougue, cette conne. L'admiration, se la coltiner en pince-homme. Encaisser ses doutes, mais pas à coup de Valium. Le monde est stone. Je m'y sens poupée vaudou, hérissonne. Je m'englue dans le quotidien. Un peu plus et je regarderai presque TF1. En mode amibe, l'écran me digère, est dur de trouer le rien. Dur. Pour habiter le fer. À l'ère du cul numérique pixelisé, je suis une pellicule argentique, surexposée. Je préfère le flou. Bobonne, bonbonne. Je suis faible, mais pas folle. Je suis lasse d'être guerrière. Fière d'être daronne. Et je troque volontiers mes griffes contre amour en adamantium. Et si ce monde est mon polonium, j'ai beau pleurer, je peux pas me leurrer. Ça me gratte toujours la langue et le critérium. Les mots sont des phalènes, l'aken et mon hélium. Ce texte s'appelle Apex. Une apex est une pointe, un sommet. Juste. Apex. Flotter. La ligne sinue, non pas mécanique que claque. Chaos, casar, écho, le beat s'insinue, mon cœur marque le tempo. Tente le casse, fin le calme, feinte les taux, apache, cri, comanche, moïkanta, tomahawk. Et je vogue, dévide mon flot, écope ma barque, craque le code, le temps, galope ou colle, coma gluant, pathétique salaud. Et je gaspille mon cool avec ses fakes, ses pseudos. Alter de carbone en guise de pureté, gagner des galons de facho ou le ticket pour la désillusion mégalo. Je me scarifie au prosaïque. Au moins, j'aurais visé le gros lot. Et la ville se pavane, scorie de lumière sa vacuité m'arnaque. Ses pépites sont des phallos. Reine de la gamberge, mon sceptre m'accable. Trop de spectres dans mon ciboulot. Alors, que faire, que croire? Arrêter le score, conjurer le sort. Bomber à coup d'amour, bomber mon cœur, peindre mes trésors, toc ou cara. Pas perdre de vue. Si j'en peux plus, j'ai pas eu tort. Putain, j'ai pas eu peur. J'ai pas eu tort, je peux encore kiffer cette vie si fort. Frotter le béton à coups de silex. Faire un carton. Vive un apex. Frotter le béton à coups de silex. Faire un carton. Vivre en apex. Frotter le béton à coups de silex. Faire un carton. Vivre en apex. Frotter le béton à coups de silex. Faire un carton. Vivre en apex. Frotter le béton. Oh, presque au bout du voyage. Ce texte et un autre. Ce texte, si vous sentez l'envie, le besoin d'en répéter des paroles, faites-le. Avec votre langue, dans votre tête, en murmurant, à des moments, faites-le. C'est un texte de guérison. Chemin de Malamour. Mater l'étincelle. Prendre la mesure. Éteindre le pouls. Crever de Malamour. Mater l'étincelle. Rentrer la tête. Casser l'ADN. Crever de Malamour. Mater l'étincelle. Étouffer jusqu'à la cendre. Avaler sa langue. Crever de Malamour. Mater l'étincelle. Se faire paillasse. Normer le ciel. Crever de Malamour. Mater l'étincelle, crever le ciel, tendresse radasse. Crever de Malamour. Mater l'étincelle, polluer l'esprit, écorcer sa peau. Crever de Malamour. Mater l'étincelle, traîtresse. S'oublier. Crever de Malamour. Briller. Battre son tempo. Tout ressentir. Tu es avec bien. Casser le mal amour. Briller. Tu es importante. Renaître encore. Fonder lignée. Casser le mal amour. Nourrir le don. Briller. Je peux faire la différence. Brûler. Tu as fait de ton mieux. Parler. Casser le mal amour. La vie est dure et belle. Je suis unique. Briller. Briller. S'étendre au ciel. Trouver sa mesure. Casser le mal amour. Cultive ce qui te rend heureux, heureuse. Prier. Être sa lumière. Oser aimer, casser le mal amour. Tu peux faire la différence. Briller, penser, vivre, casser le mal amour, briller, s'alléger, se faire allégeance, casser le mal amour. Tu es une fille bien, tu es importante, je ne suis pas seule, et alors tu peux, souffle, tu es capable, tu es belle, tu es une belle personne, tu n'as pas à te limiter. Tu n'es pas seule. Briller. Ose. Être l'amour. Être amour. Tu es capable. Aimer. Tu es unique. Prière pour ma fille. incarner en menues choses mon amour pour toi. Le tisser, le broder à point compté, le coudre au point invisible, mon amour Jean. En faire une aura supplémentaire, du quotidien au sanctuaire. Qu'il te rende perméable au monde, à l'espoir, à la beauté. Qu'il soit ton fil de trame, ma petite dame, pour que tu tisses toi-même ta liberté et que tu saches un jour tes pas danser. Que mon amour nourrisse ta lumière sans t'enfermer. Qu'il soit le petit bois, l'étoupe ou l'amadou que ton étincelle dévore pour t'enflammer. Car ce qu'il fut, ce qu'il est, mon amour, ma chance, mon moteur, ma force aussi, mais pas ma bouée. Et si j'ai su contrer le mal en lui claquant mon refus, gamine, j'espère jamais voir de chaîne sur ton cœur nu, que tes dents tranchent le licol, pour qu'au jour où d'amour tu renaisses femme, ton corps, ton cœur et ton esprit caracole avec ton rire comme oriflamme.